jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes amoureux. Puis adoré un soir, allez vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bombes ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans.